n'était pas encore elle, la femme de ta vie. Ni les putes, ni les pucelles ne t'auront appris. Ni les larmes dans leurs yeux ne t'auront ému. Tant pis pour toutes celles ou ceux qui t'auront cru. Ce n'était pas encore elle. Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis de quoi tu te mêles? Elle a dû me plaire. Pour un moment de plaisir, un instant seulement, je ne veux pas d'avenir, je reste un amant. L'amour, quand il vient, on n'attend pas, mais il est là. C'est une histoire entre les trois. L'amour, quand il vient, il te délivre, il fait de toi comme un autre homme que tu n'es pas. Tu verras qu'un jour ou l'autre, tu les paieras cher. Les plus terribles de tes fautes, de sang ou de chair. Pour l'amour arrivera au lieu d'être beau. Il ne sera fait pour toi que de peine et sanglots. L'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe pas. Pas la peine de le décrire, je saurais déjà. S'il respirait quelque part, je serais là-bas. De ce côté du miroir que l'on ne voit pas.